marché, il a fait grand temps. Pas songé, si t'es con surveillance. Bureau d'information, pas jamais manqué, tirer attention. Yo qui repassé acide, avant yo gros mettre infanticide. Rélé yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Rélé yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Coton, y a pas de salut gagné, pas même maman pas ça dit ou rien. Ça moi semble un danger, doit croiser à monter la Saint-Abba. Yo comprends son étape, où y a l'entrée manger. Yo comprends son étape, où y a l'entrée manger. Blood of love. pas de sang, pas la vie passée de sang à ta débile. C'est métier même, ça ouais. Qui dit à la vie sang, pas la vie passée de sang à ta débile. Maman le Khalil, papa le Khalil, c'est toujours de même. Qui dit à la vie sang, pas la vie passée de sang à ta débile. Chien qu'habitue à manger ze, c'est ze pour manger. Sans peine pour le bail, maman.